Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, comment fonctionne le bonus réparation appareils électriques et électroniques ? Alors le bonus réparation, qu'est-ce que c'est ? Ce bonus réparation appareils électriques et électroniques, aussi appelé plus simplement bonus réparation, est un dispositif destiné à inciter les particuliers à faire réparer leur appareil plutôt que de s'orienter vers l'achat d'un appareil neuf. Ce bonus réparation s'inscrit dans un large contexte de lutte contre le gaspillage. Promulguée en février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire participe à améliorer l'offre de réparation des petits et gros appareils électroménagers. Le bonus réparation, quant à lui, est mis en place depuis décembre 2022. Alors, quel est le montant de cette prime électroménager pour 2024? Le bonus réparation équivaut à 20% en moyenne du coût total de la réparation. Il prend ainsi la forme d'une aide financière, dont le montant oscille entre 10 et 45 euros selon le type d'appareil, bien entendu, à réparer. Le 20 octobre 2023, le ministère de la Transition écologique a annoncé une augmentation, voire un doublement du montant du bonus réparation au 1er janvier 2024. Voici quelques évolutions des montants. Par exemple, de 10 à 15 euros pour une bouilloire, de 25 à 50 euros pour un sèche-linge, ou bien encore de 15 à 40 euros pour un aspirateur, et enfin de 45 à 50 euros, par exemple, pour un ordinateur portable. Alors, pour en bénéficier, tout particulier qui souhaite faire réparer son appareil électroménager peut bénéficier du bonus réparation mis en place par l'État, à condition que l'appareil, bien entendu, soit éligible au dispositif. Pour percevoir cette aide financière allouée au bonus réparation, il est en effet nécessaire que l'appareil électrique ou électronique ne soit plus sous garantie électroménager, que l'appareil ne présente pas de défaut d'entretien ou que le problème ne résulte pas d'un usage dit non conforme, bien entendu, de faire appel à un réparateur agréé, et enfin que l'appareil électrique fasse partie de la catégorie des petits et gros électroménagers définis. D'une manière générale, tous les appareils électriques et électroniques qui ne sont plus sous garantie commerciale peuvent prétendre au bonus réparation, tels que la machine à laver, le lave-vaisselle, le congélateur, la plaque de cuisson, le réfrigérateur, la bouilloire, pour ne citer que. Au 1er janvier 2024, de nouveaux produits sont éligibles au bonus réparation. Il y a le rasoir électrique, l'épilateur, le four micro-ondes, le climatiseur mobile ou bien encore l'imprimante. À noter qu'à partir justement de ce 1er janvier 2024, le critère dit de casse accidentelle est petit à petit intégré dans les critères d'éligibilité au bonus réparation électroménager. On pense bien entendu notamment à l'écran d'un téléphone portable cassé ou une poignée de lave-linge qui ne fonctionne plus. Alors ces appareils pourront être éligibles. Alors comment bénéficier, pour terminer, de ce bonus réparation électroménager? Les démarches pour bénéficier de ce dispositif sont extrêmement simples. En tant que particulier, il vous suffit de vous rendre chez un réparateur d'appareils électroménagers, agréé bien entendu, Quali Répar, Q-U-A-L-I-R-E-P-A-R. Ce réseau enregistre plus de 1500 professionnels labellisés ou agréés Quali Répar, répartis aux quatre coins de la France. Il s'agit le plus souvent de réparateurs indépendants, d'artisans, de réparateurs industriels, mais aussi de services après-vente, distributeurs et fabricants. Il existe un annuaire dédié que vous pourrez retrouver sur Internet en tapant « Annuaire Quali Répar Écosystème ». Après avoir vérifié l'éligibilité de votre appareil au bonus réparation, celui-ci applique automatiquement la remise sur votre facture et de manière visible. Bien entendu, si le montant de la facture pour la réparation de votre appareil est inférieur à celui de l'aide attribuée dans le cadre du bonus réparation, alors le coup de pouce ne vous sera pas accordé. Il existe également des seuils de déclenchement pour la réparation des ordinateurs, scanners et imprimantes. Par exemple, le seuil de déclenchement du bonus réparation pour les ordinateurs portables, qui sera d'ailleurs abaissé au 1er janvier 2024, sera de 150 euros minimum contre 180 actuellement, ce qui est une avancée. De son côté, le réparateur qui a appliqué la remise liée au bonus réparation bénéficiera d'un remboursement de la part des éco-organismes associés au dispositif. Et voilà pour le bonus réparation. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.